fassions un le moi je veux n'être qu'un des toi, n'être qu'un avec toi. C'était ton souhait. Alors enfin je me mis à rêver. On a mis ce chemin et on a avancé. On se tenait la main en secret. J'ai prié et j'ai demandé n'être qu'un avec toi. C'est brisé et moi je veux n'être qu'un avec toi, n'être qu'un avec toi. J'aurais dû sentir tout ce qui n'allait pas et tenter d'éclaircir le ciel qui est en toi. Alors te porter pour rêver, retrouver ce chemin et le continuer. Je veux sentir ta main à nouveau me serrer. Et moi je veux n'être qu'un avec toi, n'être qu'un avec toi. c'est de t'aimer. J'ai brûlé mes peines, je t'attends sur le chemin. Brûle les tiennes et donne-moi la main. Je ne veux être qu'un avec toi. Après tant de montagnes, de ravins escarpés, c'est l'automne et son chemin de